Frédéric Sigrist, Mister Blockbuster de France Inter, vous voulez nous parler de Miss Marvel, la super-héroïne américano-pakistanaise qui vient de faire ses débuts dans sa série sur Disney+. Oui Mathilde, parce que vous pensez bien que moi, quand je vois des sites d'infos généralistes titrés « Disney+, lance Miss Marvel, la première super-héroïne musulmane en France en 2022 », direct, je m'installe, je prends mes pop-corns, je lis les commentaires et je me régale. Si je me lance le défi de boire un verre de rhum à chaque fois que je lis les mots « woke », islamo-gauchisme, laïcité ou communautarisme, je fais un coma éthylique dès la première page. C'est grandiose. Les mots Disney, Marvel, femme et musulmane dans la même phrase. C'est même plus une phrase, c'est une formule magique. Si tu la répètes trois fois, logiquement tu fais apparaître Alain Finkielkraut et Caroline Fourès dans ton salon. L'avantage d'être un vieux lecteur de bande dessinée, c'est que tu peux anticiper ce genre de polémique bien avant qu'elles arrivent. Ah, dès qu'il va y avoir une adaptation, tu sais que ça va se passer comme ça. C'est comme au cinéma, quand tu vois dans le même plan Charlie Chaplin et une chaise, tu sais qu'il va tomber. Pierre Richard et une porte, tu sais qu'il va se la prendre. Une élection Emmanuel Valls, tu sais qu'il va la perdre. Et ben là, c'est pareil, ça rate pas. La polémique, elle est réglée comme du papier à musique, c'est un passage obligé. Donc pour vous, même les réactions indignées font partie de la communication autour de la série. Mais oui, c'est une très belle partition, Mathilde, où chacun joue son rôle, moi y compris. Hein. D'abord, les sites d'information font des clics en titrant « La première super-héroïne musulmane de chez Marvel », ce qui est faux. Hein. Avant elle, rien que chez les X-Men, d'autres super-héros Marvel ont trouvé l'Afghane Dust, qui porte le niqab, ou la franco-algérienne Monet Saint-Croix, qui est musulmane également. Mais Miss Marvel, c'est surtout la première super-héroïne musulmane à avoir eu droit à sa propre BD. Une série sortie en 2014 et qui a fait un gros carton, et qui a assis en très peu de temps la popularité de Kamala Khan, le vrai nom de cette Miss Marvel. Depuis 10 ans, on l'a vu apparaître dans des jeux vidéo, dans des dessins animés, des livres jeunesse, sous forme de figurines. Ma fille de 8 ans connaissait Kamala Khan bien avant BFM TV. Et on a eu des réactions aussi hostiles à l'apparition de ce personnage dans les autres supports ? Non, ou pas de manière aussi marquée. Et j'aurais tendance à dire, Mathilde, que le problème ne vient peut-être pas du personnage ou de la bande dessinée qui vit sa vie sans rien demander, mais peut-être plutôt des accroches des sites d'infos. Un Superman gay, un Captain America noir, une Miss Marvel musulmane. Mais peu importe, le but c'est qu'ensuite une partie toujours très vocale des spectateurs ou lecteurs aille dénoncer l'islamisation galopante de la société portée par l'entreprise aux grandes oreilles qui veut corrompre l'esprit de nos enfants avec ses idées woke et progressistes. Rendez-vous compte, Mathilde, le prince n'a désormais plus le droit d'embrasser la belle au bois dormant, faut qu'il demande le consentement. La petite sirène et la fée qui donnent la vie à Pinocchio sont noires. Et Blanche-Neige n'est plus entourée par sept nains, mais par cette créature en image de synthèse à la forme et au genre qui leur siéra. C'est la décadence de nos civilisations, la fin des haricots. Michel Houellebecq avait raison. Une fois que les énervés se sont bien roulés par terre, les belles âmes, telles que moi, ont fait des belles chroniques engagées, rappelant que les comic books sont progressifs et inclusifs quasi depuis leur création, ce que les gens sauraient s'ils les lisaient. On réexplique que la bande dessinée américaine a toujours été un miroir de son époque et a toujours évoqué la religion de ses héros. Daredevil est catholique, La Chose des Quatre Fantastiques est juif, Thor, le dieu du tonnerre, croit en lui. Ce qui nous permet de montrer combien nous sommes des gens bien, aux idées larges, comme ça au final tout le monde est content. Je vous sens cynique, Frédéric. Moi, Mathilde ? Jamais. Et c'est qui, Frédéric, cette fameuse Miss Marvel ? Alors, une jeune américaine d'origine pakistanaise qui vit dans le New Jersey. Elle est absolument fan de super-héros et notamment de Captain Marvel, qui vit dans une famille de... Et elle vit dans une famille de musulmans pratiquants qui l'aiment et qu'elle aime en retour. Dans Miss Marvel, pas de parents qui meurent, pas de trauma fondateur, juste la difficulté d'être une jeune lycéenne musulmane dans une Amérique post-11 septembre. Kamala est drôle, intelligente, courageuse, elle a des potes, et lorsqu'elle se retrouve dotée de super pouvoirs qui pourraient lui permettre d'être ce qu'elle veut, parce qu'elle peut changer de forme comme elle veut, elle choisit d'être elle-même, c'est-à-dire une jeune musulmane qui va faire son premier costume inspiré de sa super-héroïne préférée dans un burkini. Ça passe crème. Elle est inspirée de ce que ses créateurs ont vécu dans la réalité. L'éditrice Sana Amanat et la scénariste J. Willow Wilson, et le tout est dessiné par Adrian Alfona. Et en fait, ce qui explique ses créateurs, c'est qu'ils ont réussi à faire le grand écart permanent entre une jeunesse de teenager fan de divertissement à l'américaine et les traditions culturelles et religieuses familiales assez rigoristes. Miss Marvel, c'est pas de la bien-pensance, c'est du bien vécu. Ce que cette série montre, c'est ce que des millions de musulmans savent chaque jour, aussi bien en France qu'aux États-Unis, n'en déplaise aux adeptes du grand remplacement, c'est que vivre tranquillement, c'est possible. La grande cohabitation, ça marche aussi, et souvent sans super-pouvoir. Merci beaucoup Frédéric Sigrist et sa chronique Blockbuster, un Miss Marvel drôle, intelligente, courageuse, comme les membres de l'équipe du 5-7. Oui. Thomas Langlin à la réalisation cette semaine, Elisa Mchin, Maury Baucher et Julie Ben-David à la préparation, et Thierry Dupin à la programmation musicale.